komm in Jesus' Namen. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Today, on Sunday, the message I wanted to continue, but I will leave it for some time because the message is more than that. We are only able to preach just one third or one fourth of it. Am Sonntag haben wir nicht alles geschafft, was wir eigentlich schaffen sollten wegen der Predigt. Aber wir werden heute aber jetzt nicht auf den restlichen Teil der Sonntagspredigt eingehen. Wir haben nur ein Drittel oder ein Viertel davon geschafft. Et le dimanche, je ne pouvais pas finir le message que Dieu m'avait donné, mais aujourd'hui, on va continuer avec un autre message. Praise the Lord. Amen. And today, we will be going into our previous message, which is Heavenly Word. Und es geht weiter mit unserer bisherigen Botschaft, die himmlische Welt. Et on continue avec notre message, qui est le message, le monde céleste. The Lord wants us to know how to live there. Der Herr will, dass wir wissen, wie wir dort leben. Dieu veut qu'on sache comment on vit là-bas. He did not come for earthly world for us. Er kam nicht für eine weltliche Welt für uns. Il n'est pas venu pour un monde terrestre. He came with his own kingdom. Er kam mit seinem eigenen Königreich. Il est venu avec son propre and he wants us to learn how to live there. Und er möchte, dass wir lernen, wie man dort lebt. Et puis il veut qu'on apprenne comment vivre au royaume des cieux. You can see all his teaching, it was all about the kingdom. Ihr seht all seine Lehren, es ging immer um das Königreich des Himmels. On peut voir quand Jésus-Christ prêchait, il s'agissait seulement du royaume des cieux. Amen. You know, Christianity today is about the kingdom of this world. Im Christentum geht es um das Königreich dieser Welt, aber sie verkleiden das, sie ummanteln das mit Jesus. Mais aujourd'hui, on peut voir comment le christianisme, eux, ils prêchent sur le royaume de ce monde, et puis ils commencent à le couvrir avec Jésus-Christ. The kingdom of heaven, the inside and the outside is Christ Jesus. Im Königreich des Himmels ist das Innere und das Äußere Jesus Christus. Mais au royaume des cieux, l'intérieur et l'extérieur est Jésus-Christ. And that is why what makes it different, what makes us different is the inside and the outside. Mm. Deswegen das, was uns anders macht, das Innere und das Äußere Christus ist. Das ist das Gleiche. Et la chose qui nous fait différence, c'est que notre intérieur et extérieur, donc tout en nous, est Jésus-Christ. He wants us to know how to live in his heavenly world. Er möchte, dass wir wissen, wie wir in seiner himmlischen Welt leben. Et il veut qu'on sache comment vivre dans ce monde céleste. You know what religion talk about heaven? Religion spricht über den Himmel, aber nicht den Himmel von Christus. Et la religion parle aussi des cieux, mais ce n'est pas de Jésus-Christ. The heaven, the heavenly world they talk about is hell. Die himmlische Welt, von der sie sprechen, ist die Hölle. And not that of Christ Jesus. Nicht das von Christus Jesus. Et la religion parle du royaume des cieux, ou bien d'un monde céleste, mais c'est l'enfer, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. No one can know heavenly world. Christ's heavenly world without Christ Jesus. Niemand kann die himmlische Welt von Christus Jesus kennen ohne Christus Jesus. Amen. Et personne peut connaître le royaume de Dieu sans Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. He came here. He came to teach us how to live there. Er kam hierhin und hat uns gezeigt, wie wir in seiner himmlischen Welt leben sollen. Il est venu pour nous montrer comment vivre dans ce monde céleste. How to love the unlovable. Wie wir die lieben, die man nicht lieben kann. Comment on peut aimer les gens qu'on n'aime pas? Praise the Lord. Hallelujah. With his own kind of love. Mit seiner eigenen Liebe. Mais avec son propre amour. That they cannot even understand. They call it wickedness or whatever they call it. Mit seiner eigenen Liebe, die sie eben nicht verstehen können. Sie nennen es Bösartigkeit, Liebe von Christus. Et puis l'amour de Dieu, c'est un amour que le monde ne peut pas comprendre. Et pourquoi? C'est pourquoi ils disent que l'amour de Dieu est mauvais. Actually, Christ's love should be our own love. Aber eigentlich sollte die Liebe von Christus unsere eigene Liebe sein. Mais normalement, l'amour du Christ doit être notre propre amour. Because you know we are not different from him. Wir sind nicht anders als er. Parce que nous sommes pas différents à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible said as he is, so are we right now. Die Bibel sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt. Und wir sind nicht anders. Et la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes maintenant aussi. Are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. We are not different from Christ Jesus. Wir sind nicht anders als Christus Jesus. Nous sommes pas différents de Jésus Christ. His own kind of love should be the love we know. Seine and Liebe we act on. Ist Liebe, die wir kennen sollten. And we speak. And we do. We come. You know, His love should be His love should be our concentration. How He loves is how we are supposed to love. So wie er liebt, so not wir lieben. Not a different. Nicht anders. Et on doit apprendre comment Jésus-Christ il nous aime. Et on doit savoir comment utiliser aussi son amour, la façon comment il agit, par exemple, ou bien il réagit, ou bien il parle. But so many times we mix it. Often, his own love with the world love of this world, we miss it. No, don't miss old one and new one. Wir mischen you allow it to be that his love alone, please. Alten und neuen Wein. Wir lassen zu, dass wir unvermischt bleiben und nur mit seiner Liebe lieben. Mais très souvent, on mélange l'amour du Christ et l'amour de ce monde. Mais on doit savoir qu'on ne peut pas mélanger le nouveau vin et l'ancien vin. Remember, you know, I hope you still remember Sunday's message. Please go and listen to it again. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Botschaft von Sonntag. Hört euch das bitte noch mal an. J'espère que vous vous rappelez au message de dimanche, si vous pouvez écouter ça encore. He loved the young rich ruler. Er hat den reichen Jüngling geliebt. Without hiding it. Die Wahrheit. Without pitying the flesh. Without saying how is he going to act or react. That's God kind of love. Ohne es zu verstecken, ohne darauf zu achten, wie er vielleicht darauf reagieren würde. Das ist die Liebe von Jesus Christus. Et on a lu comment Jésus-Christ il a aimé l'homme riche en disant la vérité. Donc c'était pas l'amour de ce monde, mais c'était l'amour de Dieu qui est de dire la vérité, n'importe comment cette personne va réagir, mais n'importe comment la chair se sent. Without allowing the five senses to deceive you. Ohne zuzulassen, dass die fünf Sinne dich betrügen. Et tu aimes avec l'amour de Dieu quand tu ne laisses pas que tes cinq sens te décevoir. Christ love. Te manipuler. Die Liebe von Christus. L'amour de Dieu. You know, he himself had to act on his own love. Er selbst I musste hope you remember that. Nach seiner Liebe handeln. Et même le Christ lui-même, il devait agir selon l'amour de Dieu. Are you getting it? He had to die for his love. Für seine Liebe sterben. Er ist gestorben. Naturally, death means something bad. Und natürlich gesehen, are you getting it? The world will see it bad. That he died to save you and me. For God so loved the world. Würde es als etwas Schlimmes sehen, aber er ist gestorben für dich und mich. Er hat die Welt so sehr geliebt und ist daraufhin für diese Welt gestorben. Et même Jésus-Christ, il devait agir selon son amour, parce qu'il a même laissé sa propre vie pour nous. Il a laissé sa vie pour l'amour. Et puis, normalement, on voit que la mort est quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose qu'on aime. Mais on pouvait voir comment ça a sauvé les gens. C'était notre salut. How to live Christ's heavenly life here on earth. Wie wir das himmlische Leben von Christus Jesus leben. Comment vivre la vie du Christ ici sur terre? You know, I always want to add this Christ heavenly world, Christ heavenly life, because if you look at the Muslims, they talk about heaven. All this religion, they talk about heaven. You are to know the difference between that of their heaven, what they are talking about, and that of Christ. It's so they are opposite. They are day and night. Satan is the author of their heaven. Heavenly world. They call it heaven, but it's hell. Der religiöse Himmel ist, ja, ist ein Erzeugnis vom Satan. Ne? Es ist eine Sache, die vom Satan stammt und nicht von Christus. Deswegen können wir die himmlische Welt von Christus Jesus nicht mit deren Paradies oder Himmel oder sonstiges vergleichen. Et quand je parle du monde céleste, j'agis toujours que c'est le monde céleste du Christ, parce que même les musulmans, les juifs, les chrétiens, eux aussi, ils parlent du royaume des cieux, mais c'est son Jésus-Christ. Paradise. On doit aussi savoir la différence. Amen. Mm. Paradise, where Satan is waiting for them. Yeah. Und the Father is waiting for them. Dieses Paradies, von dem sie immer wieder reden, aber es ist dieses Paradies, diese Hölle, dort, wo der Satan auf sie wartet. Et puis eux, ils parlent toujours du paradis, et puis c'est le paradis où le diable, leur père, les attend. You know, I also mentioned here on earth. I said how to live Christ's heavenly life here on earth. Wie wir das himmlische Leben here on earth. Why here on earth? Leben. Because a lot believe that until you die, you are not in heaven. Und hier auf Erden betone ich so sehr, weil einige glauben, dass man dieses himmlische Leben erst lebt, wenn man hier physisch stirbt. Et quand je parle du monde céleste, du Christ ici sur terre, c'est parce que beaucoup de gens pensent que tu es seulement au royaume des cieux quand tu meurs. You know, Jesus came. He came and said to us that we don't need to die before we live in heaven. Jesus what man gesagt, called death. Wir müssen nicht erst sterben, wir müssen nicht erst sterben, bevor wir im Königreich des Himmels sind. Das, was der Mensch sterben nennt. Et on n'a pas besoin de mourir avant d'être au royaume des cieux, parce que les gens parlent toujours de ce que l'homme appelle la mort. I noticed something here. I said what this world called death. Und das, was diese Welt tot nennt. Nicht das, was Christus Jesus tot nennt. Parce qu'il y a une différence entre ce que le monde appelle la mort et ce que Jésus-Christ appelle la mort. Because, you know, until you die in heavenly world, you cannot be in heaven. Weil erst wenn until you die here, you cannot be in heaven. Du musst hier sozusagen gestorben sein, bevor du in der himmlischen Welt von Christus leben kannst. Ja, du musst sozusagen mit Christus gestorben und auferstanden sein, damit du im Königreich des Himmels leben kannst. In dem Sinn meint sie das. The natural death. What Mark called death and what Christ called death are two different things. Weil der natürliche Tod ist etwas anderes, also der Tod, den diese Welt Tod nennt und das, was Christus Jesus Tod nennt, nicht das gleiche sind. Il y a une différence entre ce que Jésus-Christ appelle la mort et ce que le monde appelle la mort. Jesus came and said, you don't need to die the death of what Mark called death before you live in his own heavenly world. Aber Jesus sagt, du musst nicht den Tod sterben, den diese Menschen dieser Welt Tod nennen, bevor du in sein Königreich gehen kannst, in seinem Königreich leben kannst. Et Jésus-Christ dit que tu n'as pas besoin de mourir selon la mort de ce monde pour être au royaume des cieux. You know, I've heard a musician sing, there's a song that we always have heard in Nigeria. People don't want to die, but they want to go to heaven. You understand me? He's talking about what man called death. Actually, to come to Christ, you have to first, until you die, you cannot have Christ. Und es gibt so ein Lied in Nigeria wurde das öfters gespielt früher, wo der Sänger darüber singt, dass alle Leute wollen den Himmel, aber niemand will sterben. Und das ist ja auch das weltliche Prinzip von Himmel, dass die Leute glauben, erst wenn sie sterben, gehen sie dorthin. Aber im Königreich des Himmels musst du sterben sozusagen, aber nicht so, wie diese Welt es versteht, sterben, um dort zu leben, nämlich so zu sterben, wie Christus es meint. Und dann kannst du erst in seinem Königreich leben. Et au Nigeria, il y a aussi une chanson où on dit que les gens veulent aller au royaume des cieux, mais ils ne sont pas prêts à mourir. Mais ce musicien, il parle seulement de la mort naturelle et pas ce que Jésus-Christ appelle la mort. Parce que normalement, pour être au royaume des cieux, pour être un avec Jésus-Christ, toi, ton soi doit d'abord mourir. And that's why Christ's heavenly world starts from here. Deswegen beginnt die right himmlische Welt von Christus hier, jetzt. Here on earth, as you are here. Sie beginnt hier. Et c'est ça pourquoi le monde du Christ commence ici sur terre. Amen. Amen. He brought back heavenly life for us. Er hat das himmlische Leben zurückgebracht für uns. Il a ramené le monde céleste pour nous. Amen. Amen. Remember that heavenly life was once stolen. Dieses himmlische Leben wurde einst gestohlen von Satan. Parce que le monde céleste a été volé par le diable. Amen. In Matthew 4, when he started his ministry. In Matthew 4, als er seinen Dienst begonnen hat, Jesus. Dans Matthieu 4, où Jésus-Christ a commencé son ministère. 17. Verset dans Matthieu 4, verset 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This is the beginning of his ministry. Das ist der Anfang seines Dienstes. Das ist der Commencement de son ministère. He says another kingdom is around. Er sagt, ein neues Königreich ist jetzt da. Il a dit un autre royaume est maintenant proche. A heavenly world is at hand. Eine himmlische Welt ist nah. Oui, un monde céleste est proche. You are not going to live here any longer, but in my world, but from Welt, here. Aber von hier it's aus. Not until you die. Nicht erst, wenn du stirbst. Et tu vas commencer à vivre au royaume de ceux quand tu ici sur terre quand tu meurs. Ce n'est pas après la mort naturelle ce que l'homme appelle la mort. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please notice this, please. I said, you know, what this world called death. Das, was diese Welt tot nennt. Amen. Amen. Et soyez attentifs, je disais que le monde appelle la mort. What this world called death is not what Christ called death. But we are to know the difference. Diese Welt tot nennt sich das, was Christus tot nennt. Ce que le monde appelle la mort, ce n'est pas ce que Jésus-Christ appelle la mort. Et on doit connaître la différence. Because we still need to die. Wir müssen noch sterben. Parce qu'on a besoin de mourir. But the death, what Christ called death, and not what this world called death. Aber das, was Christus tot nennt, und nicht was diese Welt tot nennt. Mais on doit, mais selon ce que Jésus-Christ appelle la mort, et pas selon la définition de ce monde. Amen. Amen. What heaven called death. Was der Himmel tot nennt. Ce que le ciel appelle la mort. You know, like Jesus said, he said the seed of corn, until he die, cannot multiply. Are you getting it? Erinnert euch an das, was Jesus sagt, dass erst wenn ein Same auf die Erde fällt und stirbt, dann kann es sich vermehren. Et rappelez-vous à ce que Jésus-Christ l'a dit. Il a dit seulement quand le grand homme dans la terre, il meurt, c'est là où il peut vivre. Everything here must die before it can belong to that of Christ. Alles hier muss sterben, bevor es zu Christus gehören kann. Tout ici doit mourir avant faire part à Jésus-Christ. Moses wrote die before it was able now to divide the sea. The natural rod cannot divide anything. Musste sterben, bevor er das Übernatürliche vollbringen kann. Denn der natürliche Stab kann das Natürliche nicht vollbringen. Also über das der natürliche Stab kann das Übernatürliche nicht vollbringen. C'est la même chose avec le bâton de Moïse. Le bâton naturel devait d'abord mourir pour maintenant être un bâton céleste. You know, whatever you bless the house of the Lord with, have to die first. Before, you know, that money is not lost. Moses' rod did not, you know, he did, it was not lost. Moses had to take it back. Amen. Amen. And that's why whatever it is, no wonder he said 100-fold in Mark 10. Are you getting it? Ja, und deswegen alles muss sozusagen erst sterben, dieser Samen muss sterben, bevor es sich vermehren kann, bevor es übernatürlich ist. Und deswegen kann... John 12, thank you so much. C'est ça pourquoi un grain doit d'abord mourir avant que ça puisse se multiplier. On va lire maintenant Jean 12. Praise the Lord. Mm-hmm. Everything here must die. Alles must see death before they can become supernatural. Before it's supernatural. And that's why that money, if it is with you, it cannot see death. Until it's out, it cannot see death. Deswegen, das Geld muss raus, bevor es damit es sterben kann und übernatürlich ist. C'est ça pourquoi tout ici sur terre doit d'abord mourir pour devenir surnaturel. And that's why Jesus told that rich young ruler, go and sell everything and give to the poor, so that those money will die. They need that, you know that they have to die out of here. Das Geld muss sozusagen, das hat er auch zu dem reichen Jüngling gesagt, er soll alles sein Hab und Gut verkaufen und ihm nachfolgen, ne, damit dieses Geld raus ist, stirbt und dann übernatürlich wird. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit à l'homme riche, vas-y et vends tout ce que tu as et puis donne-les aux pauvres. C'était pour que son argent, sa richesse, tout meure pour que ça devienne aussi surnaturel. Look at from verse 24 of John 12. Vers 24. Nee, Kapitel 24, Vers 12. Chapter 12, Vers 24. Genau, andersrum. Ah, andersrum, ja. Jean 12, Verset 24. He said, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. You know, he's talking about everything in his kingdom. Er spricht über alles in seinem Königreich. Ici, il parle de tout au royaume des cieux. And that's why in Matthew 13, he said, you have to sell everything to get it. Because everything has to die. He thinks here. Du musst alles verkaufen, um es zu bekommen, weil alles muss hier sterben. C'est ça pourquoi il dit que on doit tout donner, puis tout doit mourir pour avoir Jésus-Christ. Even your, you know, your, day, even your studies have to die. That's why Paul said he called his degree shit. Everything has to die to win him. Seine Ausbildung, seine Abschlüsse Mist genannt, weil alles muss sterben, um ihn zu gewinnen. Ça signifie aussi même tes propres études doivent aussi mourir pour que ça devienne Jésus-Christ. C'est ça pourquoi Paul a appelé ses études, sa connaissance mondaine, comme la il a dit, c'est la poubelle, c'est rien. Whatever you are allowed to continue to live without him, will take you away from him. Was lebendig bleibt, was du lebendig lässt ohne ihn, wird dich von ihm wegnehmen. Et chaque chose que tu laisses être vivant sans Jésus-Christ, ça va praise te séparer de Jésus-Christ. Hallelujah. Even himself, he have to die so that he have us. Selbst er selbst musste sterben, um zu gewinnen. Alles. Et même lui-même, il devait mourir pour nous avoir, pour avoir dans la vie éternelle. Everything here must die before they can inherit the kingdom of heaven. Alles muss sterben, bevor es das Königreich des Himmels erben kann. Aber das, was Christus tot nennt. Et tout ici sur terre doit d'abord mourir pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Verse 24 again, please. 24. Encore verset 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. That's why if you are able to obey his voice, rejoice always. Wenn du in der Lage bist, seiner Stimme zu gehorchen, freue dich. It's wonderful. Because your obeying his word is how things die. Weil seiner Stimme, seinem Wort gehorchen, so sterben Dinge. Et c'est ça pourquoi c'est très important que tu obéis à la voix de Jésus-Christ. Parce que quand tu obéis à la voix de Jésus-Christ, c'est comme ça que tu meurs, c'est comme ça que tout dans ta vie meurt. Your choosing him is how things die. Indem wir ihm wählen, and so rejects whatever is outside it. Choose it. That is that. Indem wir Jesus immer wieder wählen. That's how things die in your life. Und uns gegen diese Welt entscheiden, so sterben die Dinge in unserem Leben. Et quand tu choisis Jésus-Christ toujours et toujours, c'est là où tes choses, où toi-même tu meurs, et c'est comme ça aussi, tu deviens complètement surnaturel. They never die and not come back to life. Und sie sterben, aber nicht ohne wieder auferweckt zu werden. Les choses là, ils meurent, oui, mais ça ne meurt pas avant, sans être à la fin ressuscité. Before we go to Mark 10, then let's read verse 25. On continue avec verset 25. It says, he that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life eternal. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Then go to John, Mark. Go to Mark 10, please. Mark 10. Maintenant, on va lire Mark 10. Amen. Amen. From verse 28. Markus 10, 28. Mark 10, verse 28. Then Peter began to say unto him, lo, we left all. Lo, all are dead. Everything we have, they are dead. Alles ist tot. Nichts mehr ist lebendig. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. They no longer have the life of this world. What this world called life? Es wird nicht mehr, es hat nicht mehr das Leben in sich, was diese Welt Leben nennt. Es ist tot für diese Welt. Et on n'a plus la vie selon le monde, parce que c'est mort pour nous, la vie mondaine. Praise the Lord. Hallelujah. Then look at verse 27. Verse 27 said, With men it is impossible, but not with God. For with God all things are. It is only through Christ things can be dead in your life. Und in 27 lesen wir denn, bei Gott sind alle Dinge möglich. Nur durch Christus können Dinge tot sein in unserem Leben. Donc verset 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Donc ça montre seulement à travers de Jésus-Christ c'est possible que tout meure dans ta vie. You know, when people die, they will say they left us. Wenn Leute sterben, that's what they say. Sagen die Menschen, that's how they say it in this dass world. Diese Menschen, die when gestorben sind, sie verlassen haben. Et quand les gens meurent ici sur terre selon la mort naturelle, les gens disent qu'ils nous ont quittés. Just like Peter said here. So Peter began to say, "Lo, we have left all." So wie Petrus sagt, wir haben alles verlassen. Comme Pierre, il a dit, nous avons tout quitté. They are dead. Sie sind alle tot. Tout est mort. Amen. Or we are dead to them. Wir sind tot dafür. Ou bien nous sommes morts pour les choses de ce monde. Amen. Amen. Verse 29, Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that have left house or brethren that did not die that you don't have them. They died to live. Es ist nicht gestorben, damit du sie nicht hast. Es ist gestorben, damit es lebt, aber in ihm lebt. Amen. Et les choses que tu as quittées ne sont pas mortes pour être à la fin, oui, pour rester mort, mais pour que ça devienne aussi vivant. That's why it's so painful to the flesh. Deswegen ist es so schmerzhaft für das Fleisch. Ça fait mal à la chair. You know, to cross from here to the other side is so painful to the flesh. Von hier, von der einen Seite auf die andere Seite überzugehen, ist schmerzhaft für das Fleisch. Et d'aller d'un côté à l'autre côté, c'est toujours, ça fait toujours mal à la chair. Praise the Lord. There is no man that had left house, brethren, sisters, father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel's, that he shall receive 100-fold now in this life. They did not die so that you lose them. Sind nicht gestorben, damit du sie verlierst. Les choses ne sont pas mortes pour que tu les perdes. Praise the Lord. Amen. You know, that rod will be an example for you. Dieser Stab Moses rod. Ist ein Beispiel dafür für dich. Et le bâton de Moïse est un exemple pour toi. Amen. The Lord did not take the rod from Moses. He only changed it. Den Stab von Moses and made it to be his own. Hat ihn einfach nur verändert, damit es sein eigener ist. Dieu n'a pas confisqué le bâton de Moïse, mais là seulement changé le bâton de Moïse pour que ça devienne de Dieu. You know, your house rent is like a lost money. Deine, because you are paying for it and that house does not belong to you. Amen. Deine Miete beispielsweise. That money is not coming back. Ist sozusagen wie rausgeschmissenes Geld in dem Sinne, dass es halt nicht zurückkommt, weil diese Wohnung wird dir niemals gehören, egal wie viel Miete du zahlst. Et par exemple, ton loyer, par exemple, c'est comme si ton argent, tu as perdu cet argent, mais tu perds cet argent parce que cet argent que tu utilises pour ta maison, cette maison ne va jamais t'appartenir. You know, the only thing you say, okay, I'm enjoying the house. Das Einzige, was du sagen kannst, ich genieße das Wohnen in dieser Wohnung. What is what we call enjoyment? Was diese Welt Genuss nennt. La seule chose que tu peux dire est que bon, je profite de cette maison. But that of Christ, you enjoy Christ. And nothing is lost. Wir genießen Christus und nichts ist dabei verloren. Verse 30. Mais celle de Jésus-Christ, tu peux aussi profiter de ça, mais à la fin, tu ne vas pas perdre quelque chose. Are you getting something here? But he shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions. Praise the Lord. Persecution, you know what persecution is. It's different ways. The shoe you wanted to buy, I will not buy it again. That is persecution. The money I used to have in my account have always been plus. But now it's minus. Dass mein Konto beispielsweise immer ein Plus war, aber jetzt nicht. For Christ's sake, it's not mine. Um Christus willen, das ist Verfolgung. Et dans verset 30, on peut voir comment Jésus-Christ parle de la persécution. Et il y a des persécutions différentes, comme par exemple, que, parce que tu donnes maintenant à l'église, que tu n'as plus l'argent dans ton compte, ou bien que tu ne peux plus acheter les chaussures que tu voulais avoir, ou bien que, oui, des situations différentes, c'est ça la persécution que nous avons. Praise the Lord. Amen. Amen. Are you getting something here? Amen. He said with persecution. There are a lot of persecution everywhere. Il y a des persécutions différentes. Amen. Whatever, you know, what this world will say, call negative, that you are receiving is persecution. Was immer das, was du schlecht oder negativ nennst, das ist diese Verfolgung, die du um Christus willen erträgst. Et tout ce que le monde appelle négatif, c'est ça la persécution que tu reçois à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Whatever you give to him. You know, no one cannot marry today. Heutzutage gibt es niemanden, der nicht heiraten könnte. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui ne peut pas se marier. You know, internet will not allow people to fail election. Das Internet sorgt dafür, dass Leute Wahlen beispielsweise gewinnen. Das Wahlen, dass sie Wahlen gewinnen. Also das Internet kannst du Wahlen manipulieren und dadurch gewinnen. Oui, par exemple, à travers l'Internet, tu peux aussi manipuler les élections. Et c'est ça pourquoi les gens sont aussi capables de gagner aussi à travers l'Internet. Praise the Lord. Hallelujah. You're chosen to listen to him. Dass du dich entscheidest, ihm zuzuhören. Mais que tu choisis à obéir à Dieu. You know, that time you just say, okay, I'm going to be like Paul, if possible. If that is what you want for me, Lord. Ich werde irgendwie Paulus sein. I live like that, and I will rejoice living like that. Das ist, was du für mich möchtest. It's not wonderful. Und ich will zu leben, und es ist in Ordnung so. Et que tu sois aussi capable à dire que si c'est la volonté de Dieu, je vais vivre comme Paul. Amen. Amen. You know, there is persecution everywhere. Und es wird überall Verfolgung geben, Internet. Wegen Internet dieser Entscheidung. Es wird Internetverfolgung geben, beispielsweise. Why don't you see me and look for somebody? People, no, people everywhere. Friends, you know, your mate, you see what they have. You see how they have children, they have... You can see what they have. You can still... You cannot... Yours, you can, this is just like that of Elisha and the servant. They compared to the Syrian army. There were many. Syria, I mean, you can count them. But Elisha, no one can count it because you know one can see them. But you are more than conquerors. Amen. Und es ist auch Verfolgung, dass dich vielleicht Leute im Internet anschreiben und versuchen, dir schöne Augen zu machen, aber du das verweigerst. Oder dass du siehst, wie Leute in deinem Alter schon verheiratet sind und Kinder haben, aber du halt nicht wegen Christus. Das ist halt auch eine Verfolgung. Und es ist genauso wie halt bei der syrischen Armee und Elijah und seinem Knecht, dass die syrische Armee konnte man sehen und zählen. Man kann die Kinder der anderen zählen, man kann die Ehen der Leute sehen, aber deine Ehe und deine Kinder kann man eben nicht mit den physischen Augen sehen, weil es Christus ist. Et comme je déjà expliqué, il y a des persécutions différentes. Comme par exemple aussi à l'internet, on peut voir comment les gens ont des enfants, comment ils sont mariés, comment ils ont des travaux, des titres différents. Et nous sommes toujours à la même position, comme par exemple 10 ans passés, bien 5 ans passés. Et c'est ça aussi la persécution, parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas voir toutes ces choses-là, parce qu'on se compare maintenant avec eux. C'est comme la situation d'Élisée et l'armée syrienne. L'armée syrienne avait beaucoup du peuple, mais Élisée avait seulement un servant. C'est la même chose. On ne peut pas voir que nous sommes déjà bénis avec Jésus-Christ. Physiquement, il n'y a rien. Mais tu as to learn to rejoice in persecution. Alors, vous devez apprendre à te freuer et pas te mitleider. Ou te meckern. Le Herr hasse das Meckern. Mais nous, on doit apprendre de se réjouir dans la persécution parce que Dieu, il déteste quand on commence à se plaindre. Comparing now to before. Das jetzt mit der Vergangenheit, die Gegenwart mit Vergangenheit zu vergleichen, er hasst das. Et il déteste aussi quand tu compares le passé avec le présent. Remember the children of Israel. When they left Egypt, they were always looking at Egypt. Amen. It was always before we could eat bread, before we could do this, before we could. And now, look at, we cannot do anything. You know what it is. He hates it. Ich hasse es, wenn wir uns bemitleiden, meckern, uns vergleichen mit der Vergangenheit und mit den Dingen, die wir früher hatten. Genauso wie die Kinder Israels immer wieder gesagt haben, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben. Da hatten wir Brot und Wasser. Ja. Mhm. On peut vraiment, à travers l'histoire du peuple d'Israël, on peut voir comment Dieu déteste quand on commence à se plaindre, parce que même le peuple d'Israël, après avoir été délivré d'Égypte, on peut voir qu'ils étaient délivrés d'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux parce qu'ils continuaient toujours à penser d'Égypte, et puis Dieu n'était pas content avec ça. Before I never leave from paycheck to paycheck. Früher habe ich keinen Minus gehabt auf meinem Konto. Früher habe ich nicht von Gehalt zu Gehalt mich gelebt oder mich geangelt. Tu dis par exemple, avant je ne vivais pas de salaire à salaire. It's a blessing to live from paycheck to paycheck for Christ's sake. Aber es ist ein Segen, von Gehalt zu Gehalt zu leben für Christus Jesus. Mais normalement, c'est une bénédiction de vivre de salaire à salaire si c'est à cause de Christ. Go to Matthew 5, please. Matthäus 5. Matthieu 5. Praise the Lord. Oh, yeah. It's a victory to live without anything for Christ's sake. Es ist ein Segen, ohne all diese Dinge zu leben wegen Christus. Et c'est une bénédiction de vivre. And his gospel. Und sein Evangelium. Et c'est une bénédiction de vivre sans toutes ces choses à cause de Jésus-Christ et à cause de la bonne nouvelle, son évangile. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 10, please. Matthieu 5, verset 10. He said, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for choosing Christ. Things persecuting you, people persecuting you. Mm-hmm. Amen. It's not only people that can persecute you. Things can persecute you. Nicht nur Menschen kann ich verfolgen. Even your body can persecute you. Kann ich verfolgen. Dann einen Körper kann ich verfolgen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et on peut voir que la persécution passe seulement à travers des gens, aussi à travers des choses, par exemple à travers ton corps aussi. Amen. Amen. Everything outside, there is nothing that cannot, even your account can persecute you. Selbst dein eigenes Konto kann dich verfolgen. There's nothing. Es kann dir ins Gesicht schauen und sagen, guck mal, ich habe nichts mehr. Et même aussi ton compte de banque peut aussi te persécuter. Et te dit, regarde, tu n'as rien. There's nothing here on earth that does not have voice. Es gibt nichts hier auf Erden, das keine Stimme hat. Il n'y a rien ici sur terre qui n'a pas aussi une voix. Everything has voice. Alles hat eine Stimme. Parce que tout a une voix. Your body has a voice. Dein Körper hat eine Stimme. Ton corps a une voix. Your job. Deine Arbeit hat eine Stimme. Ton travail aussi. Your studies have voice. Dein Studium hat eine Stimme. aussi de voix. You better learn to obey the voice of the Lord and not obey the voice of that woman. That woman can be your studies. It can be your body. It can name it. Can be your mother. Can be your father. Can be friends. It can be the fig tree. Remember the fig tree. Spoke to Jesus and Jesus replied the fig tree. Lerne auf die Stimme von Christus zu hören und nicht auf die Stimme dieser Dinge, die dich verfolgen. Diese Stimme kann ein Baum sein, diese Stimme kann ein Auto sein, diese Stimme kann ein Konto sein, ein Studium sein. Mm-hmm. Et tu dois apprendre d'attendre seulement la voix de Jésus-Christ et pas la voix de choses comme par exemple la voix de ton travail, la voix de ton banque, la voix de tes parents, donc les choses que tu as laissées pour Jésus-Christ, les choses qui te persécutent. Put something here. Go to Mark 11. Mark 11. Mark. I'll give you just an example of just one thing that has a voice. Hier war ich ein Beispiel von einer Sache, die eine Stimme hat. Je vous donne un exemple d'une chose qui a aussi une voix. From verse 12, please. Markus 11 und Vers 12. Mark 11, verset 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Jesus was hungry. Jesus hat hungrig. Jesus avait faim. Praise the Lord. Hallelujah. He was not hungry like you and me. Er hatte Hunger. That will help you to know his God. Das hilft dir zu erkennen, dass er Gott ist. Il avait faim comme toi et moi. Ça va t'aider de voir qu'il est Dieu. Amen. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. Esprit, âme et corps. Amen. Amen. You know, you have to know the difference, please. Wir müssen den Unterschied kennen. Tu dois connaître la différence. Verse 13. 13. Verset 13. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came if happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves. For the time of figs was not yet. Verse 14. And Jesus answered and said unto it. He answered because he heard something. Er sprach zu ihm, weil er etwas gehört hat. That 14 will tell you that that tree spoke to him. Vers 14 sagt uns, dass dieser Baum sozusagen gesprochen hat und Jesus daraufhin geantwortet hat. Donc si on lit verset 12 à 14, on peut voir même dans verset 14 que Jésus-Christ a répondu au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc ça montre que ce figuier avait aussi une voix. If a tree can have a mouth, there's nothing that does not have a mouth. Selbst ein Baum einen Mund haben kann, um zu sprechen, gibt es nichts, was ohne. Your result will have a mouth. Dein Resultat wird einen Mund haben. Donc si un figuier avait aussi une bouche, ça signifie aussi même des études, vont aussi avoir une bouche. Dieses Resultat wird dir sagen, du hast schon wieder versagt. Tes résultats vont te dire que regarde, tu as encore échoué. And you have to answer it. Und du musst antworten. Like Jesus answered the fig tree. Genauso wie Jesus diesem Feigenbaum geantwortet hat. Et tu dois répondre cette résultat comme Jésus-Christ a répondu au figuier. You answer it and say you never fail. Du antwortest und sagst, ich versage niemals, denn Christus versagt niemals. Tu réponds en disant, je n'échoue jamais parce que Jésus-Christ, il n'échoue jamais. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Jesus spoke to the tree. Jesus hat laut zu dem Baum gesprochen. Jésus-Christ a parlé au figuier. Look at from verse 19. Verse 19. And when evening was come, he went out of the city, and in the morning, as they passed by the tree, they saw the fig tree dried off from the root. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold the fig tree, which thou causest is withered away. And Jesus answering said unto them, have faith in your word. Have faith in your word, because whatever comes out from you is Christ, is God. God never speaks and that something is not done. Praise the Lord. Jesus sagt, Don't doubt you. Glaubt an Gott, glaubt an das Wort, was ihr spricht, was Christus selbst ist. Dann glaub an Christus selbst in dir. Donc dans verset 22, on peut voir comment Jésus-Christ dit « Ayez foi en Dieu ». Donc ça signifie aussi foi, « Ayez aussi foi en vous-même » parce que vous êtes Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at, he said, whosoever, you are whosoever. Und dieser Wer, whoever believes in him. Wer auch immer ihn glaubt. Have him and depend on wer auch immer sich auf ihn verlässt. Verse 23. 23. Dans verset 23, on dit que si Jésus-Christ dit, si quelqu'un, donc c'est quelqu'un, c'est toi et moi. Donc si quelqu'un croit en lui. Amen. Amen. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt. That's the problem. Das ist das Problem. Shall not doubt. Der nicht zweifelt. Donc, because you don't need to see before you believe. Denn du brauchst nicht erst sehen, bevor du glaubst. Donc, dans verset 23, Jésus-Christ nous dit qu'on peut faire tout si on ne doute pas, mais le problème est toujours qu'on doute. Donc, si tu crois, tu peux faire tout. Until you believe, you never see. Erst wenn du glaubst, dann siehst du. Jusqu'à ce que tu crois, c'est là où tu vois. He said, if you say, you believe. Once you speak, after speaking, you believe, and not when you see, you believe. We always wait until we see, then we believe. Wir warten mal, bis wir sehen können und dann glauben wir. Aber beim Sprechen sollen wir schon glauben und wir sehen erst, bevor wir glauben. Nee, bevor wir, nee, ja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Donc Jésus-Christ, il a dit que c'est très important qu'après avoir parlé, qu'on croit. C'est pas après avoir voir qu'on croit. Ça, c'est pas la foi. Praise the Lord. Amen. Amen. Go back to Matthew 5, please. Matthäus 5. Matthäus 5. Let's turn again. Sehen. Matthew 5, verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for choosing Christ, die sich für Christus for believing Him. Ihm glauben. Amen. Yes. Things are fighting you. People are fighting you. Parents, friends. The whole world can fight you. Everything fighting your account. The bees are fighting. The bees, they all have their own voices. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Then we speak. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Und die ganze Welt kann sozusagen gegen uns sein und diese ganzen Dinge können zu uns sprechen, aber wir müssen die Wahrheit kennen. Verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, donc tout le monde, nos parents, nos amis, même nos factures, ils peuvent parler à nous parce qu'ils ont une voix, mais nous on doit apprendre à parler, de compresser la vérité. Whatever fight you for choosing Christ, he said, blessed are you. That things are fighting you for choosing Christ. Was immer dich bekämpft, weil du dich für Christus entscheidest, du bist gesegnet deswegen. Chaque toute chose qui te persécute parce que tu as choisi Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit heureux. Tu es heureux. He did not say blessed are you when you have money. Da steht nicht gesegnet bist du, wenn du Geld hast. Or buy a house, a car. Dein Haus kaufst, dein Auto kaufst. Il n'a pas dit que tu es heureux ou bien béni parce que tu achètes une maison ou bien une voiture. Blessed are you for believing Christ. Gesegnet bist du, weil du Christus glaubst. Tu es heureux et béni parce que tu crois en Jésus-Christ. Amen. Amen. For righteousness' sake. Righteousness means believing Christ. Abraham believed God. It was imputed unto him as righteousness. Gerechtigkeit bedeutet an Jesus Christus zu glauben, seine Gerechtigkeit anzunehmen. Et être persécuté pour la justice, comme on a écrit dans verset 10, c'est, oh, ça signifie la justice de Jésus-Christ, de croire Jésus-Christ, parce que même Abraham, il a cru Dieu, et c'est ça, c'était sa justice. He said, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. We experience it a lot in this ministry. Und, what they say about us. Wir erleben das oft in dieser Gemeinde, was sie über uns sagen, weil wir uns für Christus entscheiden. Et on va lire maintenant verset 11, où on a écrit, heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et on voit cette chose ici beaucoup dans cette église. You know, when they are saying it to people, they will not say they choose Jesus. They will say they just choose them. Mm-hmm. They will not say they choose Jesus. Are you getting it? Blessed are you. Rejoice. Und wenn sie mit anderen Leuten über dich reden, werden sie nicht sagen, dass du dich für Jesus Christus entschieden hast. Sie werden öfters sagen, sie haben sich für diese Menschen entschieden, für diese Gemeinde entschieden oder für diese Leute entschieden, aber nicht für Christus, weil sie das nicht erkennen können. Et quand les gens parlent de toi, ils vont dire qu'ils ont choisi l'église, ils ont choisi les gens dans cette église, mais ils ne vont jamais voir que tu as choisi Jésus-Christ. It's all for my sake. Because of me. Wegen mir. Because you believe me. Weil ihr mir because glaubt. You choose me. Und euch das daraufhin für mich entschieden habt. I always see myself here. Il a dit à cause Jésus-Christ a dit à cause de moi et parce que vous me faisiez confiance et vous me croyez. Fais les sept postes au verset 12. Verset 12. Verset 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. It's a heaven. Heaven does not mean until you die. The reward starts from here. Mm-hmm. Are you getting it? For so persecuted they, the prophet which will befall you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Praise the Lord. Alléluia. Again, we don't need to die the death that this world called death before we make heaven. Wir müssen nicht den Tod sterben, den diese Welt tot nennt, bevor wir zum Königreich des Himmels gehören. Et encore, on n'a pas besoin de mourir selon la mort de ce, la définition de la mort de ce monde pour être au royaume des cieux. But we still need to die. Aber wir müssen dennoch sterben. mais on doit toujours mourir. Amen. What Christ called death. Aber das, was Christus tot nennt, selon la mort de Jésus-Christ. On va lire Romains 6, versets 1 à 18. Romains 6, 1 bis 18. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? We are dead. Wir sind tot. Can see dead. Tot für die Sünde. Amen. Until you die, you are not dead. Also wir sterben und wir dort. Et on peut voir que nous sommes morts pour le péché. Et quand tu es mort pour le péché, c'est là où tu es arrivé au royaume des cieux. But what he called death. Aber das, was er tot nennt. Mais c'est ce que Jésus-Christ appelle la mort. Amen. Amen. What he called death are two different types. Das, was er tot nennt, sind zwei unterschiedliche Arten. Mais ce que Jésus-Christ appelle la mort, c'est différent de celle de ce monde. Amen. We have to be dead to this world. Wir müssen tot sein für diese Welt. On doit être mort, on doit être mort pour ce monde. And Jesus also called the people dead people. Let the dead bury their dead. Und auch Jesus hat die you can see two different deaths. Tote He's Menschen talking about that Jesus. Er hat gesagt, die Toten sollen ihre Toten begraben, aber da hat er nicht von uns gesprochen, sondern von den anderen Toten. Et Jésus-Christ a même dit laissez les morts enterrer leurs morts et puis on peut voir que quand il parlait de ces les gens morts, il ne parlait pas de nous. Because without the Spirit of Christ living inside of you, you are a dead man. Weil ohne den Geist von Christus, der in dir lebt, bist du ein toter Mensch. Parce que sans l'Esprit de Christ qui vit en toi, tu es mort. Adam died when he disobeyed God. Als er Gott missachtet hat. Et quand Adam a désobéi Dieu, c'est là où il était mort. But he was still here on earth. He was still able to sleep with the wife. And have children. A dead man have a children. Are you getting it? Aber er war though they were dead. Und hat Kinder gezeugt, obwohl er tot war. Für tot erklärt worden ist von Gott. Et bien que Adam était mort, il était toujours capable à dormir avec sa femme et puis d'avoir aussi des enfants. If you are dead, whatever you have, they are all dead. Wenn du tot bist, ist alles, was du besitzt, selbst dein Kind in deinem Schoß, ist tot. Et si tu es mort, tout ce que tu possèdes, même tes enfants, ils sont aussi morts. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because you take decision for that child. Weil du entscheidest für dieses Kind. Parce que toi, tu prends des décisions pour tes enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 3. Verset 3. Know ye not that so many of us as we are baptized into Christ Jesus, we are baptized into his death, we died with him. Wir sind mit ihm gestorben. Nous sommes morts avec he did not die alone. Er ist nicht alleine gestorben. Il n'était pas mort lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Therefore, we are buried with him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Amen. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin may be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is free from sin. Praise the Lord. Amen. He's talking about the death that God's children have to die. Der Tod, den die Kinder Gottes sterben müssen. Amen. Amen. How to live in the kingdom of heaven. You need this death. Und weil wir eben hier immer system noch auf Erden sind, have to be dead to you, brauchen wir diesen Tod. Wir müssen tot sein für das System dieser Welt, um in seinem Königreich hier auf Erden zu leben. Et pour pouvoir vivre au royaume des cieux avec Jésus-Christ, on doit toujours mourir cette mort que, qui est mentionnée ici dans Romains 6. Praise the Lord. Verset 7. Verset 7. For he that is dead is free from sin. Verse 8. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death have no more dominion over him. Amen. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. Likewise, reckon you also yourself to be dead indeed unto sin. Praise the Lord. Hallelujah. But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as the instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Mm-hmm. Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, the servant you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? But God, verse 17. But God be thanked that you were the servant of sin, but you have obeyed from the heart, that from the doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, you became the servant of righteousness. Whew. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, how to live. How to live Christ's heavenly life. Wie wir das himmlische Leben von Christus leben. Comment on peut vivre le monde céleste de Christ. Amen. Amen. Matthew 5, verse 48. The Lord said, we must be perfect. In Matthäus 5, 48 steht, dass wir perfekt sein müssen, ein perfektes Leben. In Matthäus 5, Vers 48, nous dit qu'on doit vivre parfait. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. Matthäus 5. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Perfect, to be perfect. You have to know how to be perfect. Wir müssen wissen, wie wir vollkommen sind. Darum sollt ihr vollkommen sein. Because heaven is perfect. Gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Verset 48, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. On doit savoir comment on peut être parfait. To be perfect is not, I don't lie, I don't steal, I don't, all this commitment. It's not, that is not how to be perfect. Die Vollkommenheit wird hier nicht nach den Geboten von Mose gemessen. Et la perfection qui est mentionnée ici dans verset 48, on ne peut pas la voir à travers les 10 commandements de Moïse. Just like to be righteous is not doing good. What is work or good? Genauso wie Gerechtigkeit nicht an guten Werken bemessen wird. Et comme aussi être juste, ce n'est pas à travers les bonnes œuvres. To be perfect, may believe Christ. Vollkommen zu sein bedeutet nur an Christus, Jesus zu glauben. Mais être parfait et juste, ça signifie que tu crois seulement en Jésus-Christ. Believe him to the extent that there is no worries at all. Ihm so sehr zu glauben, dass es keine Sorgen gibt. Que tu le crois tellement que tu n'as même pas de soucis. No complaint. Keine Beschwerden. Que tu te plaintes pas. Kein Meckern. No comparing yourself to others. Kein Vergleichen. Que tu te compares pas aux autres. In Christ Jesus. Vollkommen sein in Christus. C'est comme ça tu es parfait en Jésus Christ. It means be satisfied with him. Zufrieden sein mit ihm. Das ist satisfait avec lui. He is enough for you. Ist genug für dich. Il est suffisant pour toi. Amen. Amen. Don't like Philippians 4 said. Go to Philippians 4, please. Praise the Lord. Philippians 4. From 1 to 7. Philippiens 4, 1 bis 7. Philippiens 4, verset 1 à 7. He said, therefore, my brethren, dearly beloved, I long for my joy and crown to stand fast in the Lord. And dearly beloved, my dearly beloved, I beseech Odias and beseech Cynthia that they be of the same mind in the Lord. He wants us to be of the same mind. Er möchte, dass wir die gleiche Gesinnung haben. Il veut qu'on ait les mêmes pensées. It's only through Christ we can be of the same mind. Nur durch Christus können wir eines Sinnes sein. Amen. C'est nous à travers du Christ on peut avoir les mêmes pensées. He's reminded them of Christ Jesus. Er erinnert sich hier an Christus Jesus. Et il bat le rappel à Jésus-Christ. Now their focus should be Christ Jesus. Dass ihr Fokus auf Christus Jesus ist. Que leur concentration soit sur Jésus-Christ. Just like our focus must always be Christ Jesus alone. Genauso wie unser Fokus immer auf Christus Jesus sein soll. Comme notre concentration doit toujours être Jésus sur Jésus. And verse 3 said, I entreat thee also, through your car fellow, 3. Help those women which labor with me in the gospel. Labor. We labor in the gospel. You see that word there? Mit mir kämpfen. Also, wir kämpfen im Königreich. Praise the Lord. Paul dit qu'il y a un combat, parce qu'il y a un combat au royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Amen. We labor in the Lord. Wir kämpfen im Herrn. On a un combat en Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's talk, see verse 3 again. Vers 3. And I entreat you also, through your car fellow, help those women which labor with me in the gospel. I don't preach alone, you preach with me. Ich predige nicht alleine, ihr predigt mit mir. Mm-hmm. Donc Paul nous dit que quand il ne prêche pas tout seul. With Clement also, and with other my fellow laborers, which names are in the book of life. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Mm-hmm. Be careful for nothing. That's how to be perfect. So be careful for nothing. So be satisfied with Christ. Amen. Zufrieden sein mit Christus. Mm-hmm. Dans verset 6, on a écrit, ne vous inquiétez de rien, c'est comme ça, tu es parfait. But in everything, in prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Labor to be satisfied in Christ. Kämpfe darum, zufrieden zu sein in Christus. Combat d'être satisfait avec Jésus Christ. Labor never to complain. Kämpfe darum, dich nicht zu beschweren. Combat de, que tu te plains jamais. He hates complaint. Er hasst Beschwerden. Il déteste quand tu te plains. He hates to see you murmuring. Er hasst es, dich meckern zu sehen. Il déteste quand tu te plains. Amen. Praise the Lord. Amen. If you want to know even in the Old Testament, let's go to number 21. Let's see number 21. 4. Mose 21. On va lire number 21 from verse 4 to 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. On va lire Nombre 21, verset 4 à 9. You know, here that we are, you know, in Exodus, that we are on a journey, and a very long journey. In, very tough journey. Just like you and me, we are always on a journey. in 2. Mose waren sie auf einer Reise, auf einer sehr langen Reise, genauso wie wir auf einer Reise sind. Et on peut voir dans verset 4 que le peuple Israël était dans un voyage qui était long. Praise the Lord. Hallelujah. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. The way. The way of the Lord is always so tough. Das Volk wurde ungeduldig wegen dem Weg. Das, der Weg des Herrn ist manchmal so hart. Are you getting something? Et le peuple d'Israël commençait à se plaindre à cause du chemin de Dieu. That way, no, you cannot go through that way without the power of the Holy Spirit. Du kannst diesen Weg nicht gehen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Et tu ne peux pas traverser ce chemin sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Praise the Lord. And that's why Jesus, when he was about to leave, he introduced the Holy Spirit. Because we really need him. Hat uns auch Jesus Christus vorgegangen, ist uns den Heiligen Geist vorgestellt, weil wir ihn wirklich brauchen. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de lui. Because that way is impossible for man. Weil dieser Weg ist unmöglich für den Menschen. Parce que le chemin de Dieu sans le Saint-Esprit est impossible pour l'homme à traverser. Amen. Amen. But believe you have when you don't have is so tough. Zu glauben, dass du alles hast, wenn du nichts hast, ist so schwer. De croire que tu as tout quand tu as rien, c'est très très difficile. Amen. When the five senses they are telling you it's a lie. Wenn die fünf Sinne sagen, c'est une lüge. Quand tes cinq sens disent que c'est un mensonge. Amen. Verse 5. Verse 10. And the people speak against God and against Moses. Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? You know, you can say complain. Amen. Et on peut dans verset 5, on peut voir la plainte. For there is no bread, neither is there any water. And our soul loathed this light bread. And the Lord sent fairy serpent. Because he sees your complaint, he hears everything. Denn sieht deine Beschwerden. He knows your movement. Kennt deine, it's not only said that I know you, deine God, Bewegungen. The Lord knows you. Der Herr kennt dich auch. Et on peut voir que Dieu, pas seulement le diable, il connaît notre plainte, mais c'est aussi Dieu qui il voit tout, il attend quand on se plaint. He knows if you are laboring in pain. Er weiß, ob du in Schmerz arbeitest, in love, in joy, in Liebe arbeitest, in Freude arbeitest. Et Dieu, il sait quand tu combats en Christ avec la joie du Christ ou bien quand tu le fais avec la plainte. The Lord was not pleased with them. Der Herr war nicht erfreut darüber. Et Dieu n'était pas content avec ça. Amen. And the Lord sent fairy serpent among the people. Six. And they beat the people, and much people of Israel died. Therefore, the people came to Moses and said, we have sinned, said, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. Jennifer, help us to read verse 10, verse 8 and 9, please. Verse 8. Er sprach jetzt Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an ein Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und ihn anliegt, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord said unto Moses, make thee a fairy serpent. And set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, when he looked upon it, shall live. And Moses made a serpent of grass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had beaten any man, when he beheld the serpent of grass, he lived. Und Praise the Lord. Amen. Without the Spirit, the journey is always impossible. Ohne den Geist ist diese Reise unmöglich. Sans le Saint-Esprit, le voyage est impossible. But keep on seeing Christ. Aber schau weiter auf Christus. Mais continue à voir Jésus-Christ. The Lord made it.